Exercice 2. Interview à la fac. Vous étudiez ici ? Oui, et on travaille aussi pour gagner un peu d'argent. Vous arrivez à quelle heure le matin ? À 8 heures, et nous restons jusqu'à 18 heures. J'arrête une heure pour déjeuner. Et vos professeurs sont sympas ? Oui, très sympas. Ils discutent avec nous et ils expliquent bien. Donc vous aimez étudier ici ? Oui, bien sûr.